Chapitre 12e. Interpolation. Le siège d'Interpol à Lyon s'imposait sous le soleil automnal comme un temple de la modernité bureaucratique. Ce bâtiment carré et monumental s'organisait autour d'un vaste patio central, baigné de lumière par une verrière élégante. Ses façades étincelantes de verre et d'acier proclamaient une transparence absolue et une efficacité sans faille, incarnant les idéaux d'une institution internationale tournée vers la lutte contre les menaces mondiales. Interpol, au cœur de cet écrin architectural, s'était donné pour mission de renforcer la sécurité internationale en développant des outils innovants et en favorisant une coopération policière à l'échelle planétaire. Chaque jour, des informations cruciales s'y échangeaient, traçant des lignes invisibles entre les forces de l'ordre du monde entier. Tout ici respirait l'ordre, la maîtrise et une efficacité quasi irréprochables. Pourtant, derrière cette façade éclatante, une ruche humaine s'agitait sans relâche, traquant les plus grands criminels avec une rigueur implacable et mobilisant une machine administrative aussi robuste que complexe. Mais pour découvrir l'envers de ce décor high-tech, il fallait plonger dans les entrailles de l'édifice. Là, loin des bureaux, design et des couleurs impeccables, se cachait un sanctuaire oublié, les archives. Reléguées dans un sous-sol délaissé, les archives formaient un royaume poussiéreux et désordonné. Les néons vacillants éclairaient à peine des dalles de lino usé et des murs jaunis qui semblaient absorber toute lumière. Les classeurs brinque-ballants côtoyaient des piles de dossiers entassés sans logique apparente, tandis que des ordinateurs d'un autre âge ronronnaient péniblement, affichant un flux continu de courriels et de pièces jointes venus des quatre coins du globe. Ce lieu, avec son chaos désuet, son atmosphère figée, semblait appartenir à une époque révolue que nul ne se donnait la peine de moderniser. Au cœur de ce capharnaüm trônait Brendan Carruthers. Il incarnait à lui seul la quintessence du Britannique caricatural. Drapé dans un costume en tweed impeccable, malgré des auréoles suspectes sous les bras, il affichait un teint blafard à faire pâlir d'envie à Cheesecake et une chevelure soigneusement peignée, défiant toute modernité. Toujours à portée de main, solidement ancré sur son bureau, une tasse de thé symbolisait son irréductible attachement à sa culture. Posé sur un sous-boc usé, vestige d'une chope de London Pride, la tasse, un mug noir orné du logo 007 et de la silhouette iconique de James Bond, semblait aussi immuable que son propriétaire. Carruthers, les yeux mi-clos de satisfaction, contemplait ce récipient comme s'il lui avait été envoyé directement par le MI6 en reconnaissance de services exceptionnels. Dans son esprit, il n'était pas simplement archiviste, il était le dernier rempart contre le chaos mondial. Chaque notice rouge qui passait entre ses mains tremblantes devenait une mission d'une importance capitale. Apposer un tampon humide sur un formulaire, cela relevait pour lui du geste héroïque par excellence, aussi crucial que déclencher un gadget explosif. « License to file », murmura-t-il gravement avant de presser son tampon sur un bordereau quelconque avec un zèle presque dramatique. Hélas pour lui, l'enthousiasme de Brendan Carruthers à son propre sujet n'était pas partagé par ses collègues. Bien au contraire. Considéré comme prétentieux, distant et solitaire, il était systématiquement ignoré lors des afterworks. Son affectation aux archives, un poste peu envié dans la hiérarchie d'Interpol, ne jouait pas en sa faveur. Comme aimait le rappeler avec une ironie mordante le Danois Jorgensen, à Interpol, on est envoyé ici parce qu'on est soit le meilleur, soit le pire policier de son pays. Mais quand on finit au siège, à classer et diffuser des notices rouges toute la journée, c'est évident, on est dans le bas du panier. Pour les agents des étages supérieurs, ces descriptions semblaient taillées sur mesure pour cet étrange Anglais aux manières décalées, surnommé avec un brin de mépris le roi des bas-fonds. « Carruthers, ricanait le Belge vente de pute, ce n'est pas une promotion qu'il a eue, c'est une mise au placard en règle. » Une neutralisation même, corrigeait toujours Jorgensen avec un sourire entendu. Quand on connaît sa réputation, on comprend pourquoi les Anglais nous l'ont envoyé. Dans les couloirs d'Interpol, la disgrâce de Brendan Carruthers avait pris des allures de légende urbaine, nourri par des récits aussi rocambolesques qu'hilarants. Parmi ces anecdotes, celle qui revenait le plus souvent remontait à son affectation en Irlande du Nord, où il s'était lancé dans une mission pour le moins atypique, démanteler un supposé réseau criminel de retraités fans de Harley Davidson. Persuadé d'avoir découvert un cartel de bikers d'une dangerosité inégalée, Carver s'était imaginé dans ses paisibles amateurs de mécanique autre chose qu'une simple passion pour le cuir et le grand moteur. À ses yeux, leurs blousons floqués Hells Angels, ornés d'écussons affichant des titres comme Sergeant at Arms ou même leur propre nom, O'Hanlon, inscrit en lettres rouges, ne pouvaient être qu'une provocation arrogante de criminels sûrs de leur impunité. Pour confirmer ses soupçons, il était même allé jusqu'à fouiller la boîte aux lettres de Fergus O'Hanlon. Certains y trouvaient des preuves irréfutables, chaque détail, aussi banal qu'il semblait, devenant pour lui une preuve manifeste de conspiration. La stratégie d'infiltration qu'il avait alors mise en œuvre était à la hauteur de sa créativité débridée. Vêtu d'un clergyman au col blanc impeccable, emprunté à une troupe de théâtre amateur, Carvers s'était improvisé prêtre catholique. Il se présenta comme aumônier et bénisseur d'engins, convaincu que son déguisement suffirait à gagner la confiance de ce groupe qu'il croyait être un gang. La criminalité suit toujours un schéma psychologique, se répétait-il. Après le vice, la rédemption. Rien ne met les gars à l'aise comme un homme d'église. Son plan atteignit des sommets d'absurdité lorsqu'un des motards, en manœuvrant sa Harley, se blessa légèrement au genou après une chute anodine. Pour Carothers, cette situation représentait une opportunité en or. Avec un air solennel, il accourut vers le blessé, sortit un flacon d'eau bénite de sa poche, l'en aspergea, puis posa une main tremblante sur l'épaule du motard. « Mon fils, » murmura-t-il d'une voix grave, « êtes-vous prêt à faire la paix avec le Seigneur ?» Le motard, abasourdi, leva les yeux vers lui, les sourcils froncés. « Hein, mais je vais bien, c'est juste une éraflure. » Carver insista, son regard chargé de compassion. « Inutile de feindre, Fergus, je connais tout de vos activités, mais il est encore temps de vous repentir avant l'inévitable. » La scène, surréaliste, plongea les autres motards dans un silence stupéfait. Pendant un instant, l'assurance solennelle de Carver fit même vaciller l'un d'eux, qui se demanda si Fergus O'Hanlon n'avait pas d'inavouable secret. Mais la perplexité laissa vite place à une colère froide. En réalité, ces dangereux criminels étaient de paisibles retraités passionnés de motos et de barbecue. Leur prétendu trafic d'armes, une collection de vieilles pétoires neutralisées qu'ils exhibaient avec fierté lors de leur rassemblement. Leur soi-disant contrebande d'alcool, rien de plus que des litres de Jameson vidés joyeusement entre amis. Quant à leur supposée activité terroriste, elle se résumait à remonter la grosse horloge de leur clubhouse deux fois par an au changement d'heure. Lorsque le malentendu dégénéra, Carothers dut être exfiltré par des policiers hilars, mettant fin à une opération devenue un running gag. Le surnom que ses collègues lui attribuèrent par la suite, le bénisseur de Harley, scella sa réputation pour les années à venir. Et bien sûr, les bikers continuèrent à écluser leur Jameson, loin des hommes d'église. L'affaire déclencha un tollé général. Les catholiques s'indignèrent qu'on ait profané l'image de leur clergé. Les protestants s'offusquèrent qu'un des leurs se soit travesti en prêtre et même Fergus O'Hanlon protesta, père de Jameson à la main, contre l'intrusion d'un imposteur en soutane venu troubler ses modestes loisirs. Le résultat fut à la mesure de l'absurdité de la situation, une émeute locale, une alliance inattendue entre loyalistes et membres de Sinn Féin, réclamant son expulsion immédiate et un transfert précipité pour la capitale des Gaules. Ses supérieurs espérant qu'à Lyon, Carothers aurait moins d'occasions de provoquer des crises diplomatiques. De cet historique personnel et du mépris de ses collègues, Carothers n'en avait cure. Il se savait promis à de plus hautes destinées. À Lyon, il ne vivait pas dans Lyon. Un subtil distinguo qui expliquait qu'il réduisait au strict minimum ses interactions avec le pays et ses habitants, qu'il qualifiait dans son fort intérieur de mangeur de grenouilles. Ce mépris, pourtant déjà colossal, rivalisait avec celui qu'il réservait aux Irlandais, un exploit en soi. Au moins, se disait-il, les Irlandais avaient la décence de parler anglais. Mais les Français, ils étaient insupportables à tous les niveaux. leur cuisine qu'ils jugeaient prétentieuse, leur langue inutilement compliquée et leur incapacité chronique à organiser une réunion sans qu'elle ne dégénère en débat interminable et stérile. Et dire que j'ai quitté Londres pour ce nid de bureaucrate en béret, grogna-t-il en avalant une gorgée de thé tiède, son regard glissant avec mélancolie vers son fidèle mug 007. Dans son esprit, cet exil n'était qu'une étape temporaire sur la voie de sa carrière internationale. Pourtant, ses exploits mémorables avaient conduit ses supérieurs à une conclusion limpide. Carothers serait infiniment plus utile à la paix mondiale, enfermé à double tour dans une salle d'archives. Ce que personne ne savait, en revanche, c'était que depuis son repère souterrain, Carothers ne se contentait pas de valider et diffuser les notices rouges pour faciliter les enquêtes des autres. Il menait les siennes en parallèle. À ses heures perdues, et elles étaient nombreuses, il construisait patiemment son propre panthéon des plus grands criminels du monde, selon des critères qui n'appartenaient qu'à lui. En tête de ce classement figurait Azouz Mazouz, alias le chef du RIF, patron incontesté de la Mocromafia. Ce cartel marocain, connu pour ses trafics de drogue et ses assassinats spectaculaires, régnait sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Carothers, fasciné par leur devise sinistre, Waiprat Daigat, ou celui qui parle Mora, voyait dans cette organisation l'incarnation de l'audace criminelle, un défi intellectuel à la hauteur de son esprit supposé brillant. Pourtant, d'autres réseaux criminels auraient sans doute mérité davantage d'attention. Les cartels mexicains, les triades chinoises ou encore la mafia albanaise. Mais Carothers avait une raison très personnelle de s'acharner sur la Mocromafia. Gerd van de Put, son collègue belge, avait été relégué à Lyon précisément à cause de ses échecs répétés face à ce cartel. Pour Carothers, rien ne surpassait l'idée de triompher là où le flamand avait échoué. Il se voyait déjà gravir les échelons jusqu'au septième étage, celui des stupes, tandis que Van de Put descendrait, tête basse, pour prendre sa place dans les archives. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'il avait à contre Mazouz tenait plus de l'hypothèse et du fantasme que de la moindre piste concrète. Sa persévérance obsessionnelle fut cependant récompensée grâce à un rapport anodin émanant d'une petite gendarmerie sartoise, signée de l'adjudant-chef Cornec. Le document détaillait une rave party qui avait dégénéré dans un champ près de Rouporoux-le-Coquet. L'alcool et la drogue y avaient coulé à flot, et parmi les substances saisies figurait une cargaison provenant d'un groupe affilié à la Mocromafia. Les photos jointes au rapport captivèrent immédiatement Carothers. Parmi les clichés flous de danseurs surexcités, un détail accrocha son regard et le fit sursauter. Un visage qu'il connaissait trop bien. Celui de Mouloud Mansouri, ancien garde du corps de Mazouz, surnommé le Titan de l'Atlas, pour sa force herculéenne. En cavale depuis des mois, Mansouri était recherché pour un véritable carnage, survenu lors d'une tentative d'arrestation à Marrakech. Ce colosse avait laissé quatre policiers marocains hors de combat. L'un, paralysé à vie, cloué dans un fauteuil roulant, un autre, gravement blessé, avait perdu tout espoir d'avoir des enfants, un troisième, la mâchoire broyée, ne pouvait plus se nourrir qu'avec de la bouillie pendant des mois, et le dernier, profondément traumatisé, suivait encore une thérapie pour surmonter un syndrome post-traumatique. Ce déchaînement de violence avait fait de lui une cible prioritaire, affichée en rouge sur les listes d'Interpol, catégorie poids lourd. On le croyait caché à Amsterdam ou à Bruxelles, dissimulé dans les méandres du grand banditisme européen. Mais là, sur une photo granuleuse prise à Rouporoux-le-Coquet, Mouloud Mansouri apparaissait en pleine lumière, massif, imposant, échangeant des paroles visiblement animées avec deux rouquins à l'allure suspecte. Ces deux hommes attirèrent également son attention. Leur ressemblance frappante et leur chevelure flamboyante rappelaient les légendes celtiques. Mais Carver n'avait ni nom ni dossier les concernant. « Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, » pensa-t-il. Puis, avec une pointe de sarcasme, il ajouta « ou plutôt d'hydromel. » Pour lui, il ne faisait aucun doute que ces deux inconnus étaient des complices. Il se plongea dans les bases de données, fouillant tout ce qu'il pouvait sur la région. Peu à peu, un tableau étrange commença à se dessiner. Des anomalies dans les circuits commerciaux, des achats massifs de matériel agricole apparemment anodin et une augmentation suspecte de la consommation d'électricité près d'un château de la région. Tout cela convergeait vers un point précis, Belém et ses alentours. Carothers sentit monter en lui une euphorie qu'il peinait à contenir. Pour lui, chaque détail prenait sens. Mouloud Mansouri était à Rouperou pour superviser une opération de deal de drogue liée au système Azouz. Les rouquins, sans aucun doute, étaient ses relais locaux, des passeurs ou des logisticiens. Il esquissa un sourire en coin en griffonnant un dernier détail sur son carnet usé. Un cartel international opérant depuis un trou perdu de la Sarthe. Ces stupides flamands n'y ont vu que du feu, mais moi, je vais les avoir. Convaincu d'être sur le point de faire une découverte capitale, Carothers ajusta soigneusement sa cravate. Il surveillait déjà au sommet de la hiérarchie, recevant les félicitations de ses supérieurs, tandis que ses collègues, médusés, assistaient à sa consécration. Et bien sûr, il savourait d'avance la disgrâce de vendre de pute, obligé d'admettre son génie après tant d'années de mépris. Toutefois, une pensée sournoise l'assaillit. Il n'était pas question de risquer que ce fils de vendre de pute ou quelque autre incapable d'Interpol ne lui vole la vedette. Carothers prit une décision radicale, il garderait ses conclusions pour lui et irait seul passer les bracelets à Mouloud. Pas de rapport préliminaire, pas de bureaucratie inutile, juste lui et sa future légende. Sans perdre de temps, Carothers posa une semaine de congé sous prétexte de vouloir visiter la campagne française. Il choisit le Perche comme destination et réserva une chambre à l'hôtel Saint-Louis, un établissement au charme désuet, situé au cœur de Belém. Ancien relais pour voyageurs à pied, à cheval ou en calèche, l'hôtel avait su évoluer avec le temps, servant autrefois de halte pour 150 chevaux et accueillant la première pompe à essence de la région. Pour Carothers, Belém était stratégiquement situé à proximité de ce qu'il considérait comme l'épicentre des activités illicites de la mocromafia. Lorsque l'archiviste formula sa demande auprès de Jorgensen, le Danois haussa un sourcil, visiblement intrigué, mais se contenta de croiser les bras en le fixant avec une pointe d'ironie. « Une semaine de vacances, vraiment, Carothers. » Brandon hocha la tête avec assurance, brandissant un petit dépliant touristique, un sourire presque ingénu au coin des lèvres. « Oui, dans le Perche. C'est réputé pour ses paysages pittoresques. Belém, par exemple, semble fascinante, une ancienne cité médiévale fondée au XIe siècle. » Jorgensen leva une main, l'interrompant avant qu'il ne se perde en détail. « Fascinante, vraiment. Laisse-moi deviner. Il y a un château en ruine, une tour, un truc du genre ?» Brandon, imperturbable, ajusta sa cravate avant de poursuivre comme si de rien n'était. « Absolument. La tour Mélusine, pour être précis, une tour carrée de l'époque romaine, résidant des seigneurs locaux jusqu'au XIVe siècle. Sans oublier les maisons à pans de bois et la rue piétonne, idéale pour une promenade tranquille. » Jorgensen secoua la tête, l'air vaguement amusé. « Des maisons, des rues piétonnes. Sérieusement, t'as mangé un guide touristique ou quoi ?» Brendan haussa les épaules. « Non, pourquoi ? Un peu de repos me fera le plus grand bien. » Jorgensen grogna, attrapant un stylo pour signer la demande et marmonna dans sa barbe. « Du repos ? Parfait. Et pas que pour toi, mon bonhomme. Moins je te crois dans les couloirs, mieux je me porte. » D'un geste brusque, il tendit le document signé et tamponné à Brandon, accompagné d'un regard qui semblait dire « C'est bon, dégage maintenant. » Déjà dans son esprit, Carothers se voyait arpentant les rues de Belém, son regard aiguisé scrutant les moindres détails. Il s'imaginait traquant ce homme depuis une position stratégique, se faufilant discrètement entre les champs ou griffonnant des observations dans son carnet depuis un café ombragé. Il serait une ombre victorieuse dans la campagne française, un Mr. Marple improvisé, échangeant les potins feutrés des villages anglais contre les énigmes des collines normandes. Comme toujours avec lui, la réalité risquait d'être bien différente, mais à cet instant précis, il semblait inarrêtable. Le Carothers qui débarqua à Belém était méconnaissable, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Transformé en parfait écossais, ou plutôt en caricature, il arborait une perruque rousse flamboyante, une moustache approximative et un costume à tartan complet qui aurait fait s'évanouir un véritable Highlander. Mais sa valise portait un motif à carreaux, une touche qu'il jugeait essentielle pour crédibiliser son rôle. Pourquoi cet accoutrement ? Dans son esprit, Traquet de Rouquin exigeait de devenir l'un des leurs, l'effet miroir, avait-il murmuré en s'admirant dans le miroir de sa salle de bain ce matin-là. Ils ne se méfieront pas si je ressemble à un cousin éloigné. Cette idée avait germé après sa relecture appliquée de la Ligue des Rouquins de Conan Doyle, qu'il considérait comme une source d'inspiration inestimable. Holmes savait comprendre les roues. Je vais infiltrer leur monde. Lorsqu'il franchit la porte de l'hôtel Saint-Louis, une bâtisse aux volets bleu clair et à la façade accueillante, il fut immédiatement frappé par le calme du lieu. « Parfait pour établir une couverture », pensa-t-il, entraînant sa valise à carreaux vers la réception. La jeune femme à l'accueil, une brune élégante au regard perçant, leva à peine les yeux à son arrivée. Mais lorsque Carruthers posa son passeport sur le comptoir, elle plissa les paupières avec suspicion. « Professeur Brandon McIntosh », annonça-t-il avec un léger accent écossais qu'il croyait maîtriser à la perfection. « Mycologue de profession ». Elle releva les yeux, détaillant sa perruque légèrement de travers et son costume à tartans trop appuyé. « Mycologue », répéta-t-elle, sceptique. « Tout à fait », confirma Carruthers avec un sourire entendu. La région est réputée pour ses champignons. Bellem et ses environs offrent une variété remarquable, une opportunité que je ne pouvais manquer. La réceptionniste fronça les sourcils. Peu habituée à voir des Écossais excentriques débarquer dans la région pour étudier les champignons, elle tenta de masquer son incrédulité. « Les champignons, bien sûr », murmura-t-elle en tapant ses informations sur l'ordinateur. D'un geste presque cérémonial, elle lui tendit la clé de la chambre. « Chambre 10, premier étage, bon séjour à Bellem, professeur McIntosh. » Carruthers hocha la tête avec une gravité exagérée et se dirigea vers l'escalier, sa valise brinque-ballante derrière lui. En traversant le hall, il sentit plusieurs regards posés sur lui. « L'effet du tartan, supposa-t-il avec une pointe de fierté. Mais en réalité, les clients du salon se lançaient des regards amusés, intrigué par ce prétendu mycologue écossais qui semblait tout droit sorti d'un roman burlesque. Une fois dans sa chambre, Carruthers posa sa valise et se congratula en silence. Il avait réussi à entrer dans Bellem incognito. Personne ne pouvait deviner que sous l'apparence du professeur McIntosh d'Aberdeen se cachait Brandon Carruthers, futur héros de l'opération anti-mocro. Il ouvrait sa malle avec méthode, en sortit son matériel d'espionnage de fortune, une paire de jumelles, un carnet, un stylo et une carte sur laquelle il avait déjà encerclé les zones stratégiques. Pour lui, tout cela relevait d'une précision militaire. Ce déguisement, cette couverture de mycologue, tout était pensé pour passer inaperçu tout en explorant les forêts et les champs. Qui irait soupçonner un amateur de champignons ? Se félicita-t-il intérieurement. Carruthers ne doutait de rien. Sa mission commençait à peine et dans sa tête, le succès était déjà assuré. La petite caserne de bonne étable, modeste et fonctionnelle, semblait presque endormie sous le soleil matinal. Pourtant, à l'intérieur, l'activité battait son plein. Une odeur de café tiède flottait dans l'air, mêlée au cliquetis des claviers et au froissement des papiers. Derrière un comptoir encombré de dossiers, deux gendarmes discutaient avec animation devant un écran d'ordinateur. « Alors, on les met sous surveillance ou pas ?»« Ils prévoient une libération massive pour Noël, paraît-il, » lança le plus jeune, en feuilletant un dossier étiqueté « FLNJ ». Le jeune gendarme, grand, maigre et raide comme un piquet, avait une expression concentrée qui contrastait avec le ton désinvolte de son supérieur hiérarchique. L'adjudant-chef Corneck, un homme d'une cinquantaine d'années, ventripotent, à l'air affable mais fatigué, soupira en réponse. « On va les surveiller, oui. Mais sérieusement, trois pelés avec des cagoules et un vieux camion. Leur front de libération des nains de jardin ne va pas ébranler l'ordre mondial. » Il haussa un sourcil vers son jeune collègue, un sourire ironique au coin des lèvres. « Mais bon, c'est pas toi, hein, qui dois gérer un défilé de retraités furibards tous les lundis. Adjudant, il m'a volé mon grincheux. Adjudant, c'est inadmissible. Mon attelé brouette en faïence. Je te jure, l'un d'eux m'a demandé si on pouvait alerter la cellule antiterroriste pour ça. » Le jeune gendarme éclata de rire, se redressant encore davantage, presque par réflexe, comme pour contenir son amusement. « Allez, vous exagérez, chef. Ils sont pas si pires, nos retraités. Et puis, on n'a pas tous les jours une affaire qui passe aux 20 heures, » répliqua-t-il avec un sourire discret. Cornec secoua la tête, un mélange d'exaspération et de plaisir dans les yeux. « Ouais, bah si TF1 en fait des héros, j'ai hâte de voir ce que ce Carover va en penser », marmonna-t-il en jetant un œil vers la porte. À cet instant précis, l'entrée du policier britannique interrompit leur échange. Ses pas résonnèrent sur le carrelage usé, attirant leur attention. Cornec releva la tête et observa, non sans une pointe d'ironie, les traits anguleux et le port rigide du nouvel arrivant. « Pas de doute. Il a bien une tête d'angliche, » marmonna-t-il. Jetant un coup d'œil à sa montre, il ajouta intérieurement, « Pile à l'heure du thé, en plus. » Carruthers, imperturbable, ignora la pique et s'avança avec assurance. « Adjudant-chef Cornec, je présume, » dit-il en tendant sa carte d'Interpol d'un geste précis. Cornec se redressa, attrapa la carte et l'examina rapidement avant de relever les yeux vers Carruthers, un sourire en coin. Carver, Interpol, rien que ça. Il hocha la tête avec une exagération feinte, son sourire s'élargissant. Alors dites-moi, le Front de Libération d'Hélène Jardin fait vraiment parler de lui jusqu'à Lyon? Carver fronça légèrement les sourcils, pris de court. Le front de quoi? Cornec éclata d'un rire franc, secouant la tête. Désolé, ce sont nos gloires locales, notre grosse affaire du moment. Entre ça et les petits drames de campagne, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer ici. » Il s'appuya contre le bureau, croisant les bras avec une nonchalance assumée, son regard scrutant Carruthers avec une curiosité teintée d'ironie. Carruthers, impassible et tout à son affaire, déclara d'un ton professionnel « Je suis ici pour approfondir un point de votre rapport concernant la rive partie de Rouporou. Vous avez mentionné un géant basané, je crois pouvoir l'identifier. » Il s'agit en réalité de Mouloud de Mansouri, surnommé le Titan de l'Atlas, un fugitif de haut rang, activement recherché. Cornec haussa un sourcil, visiblement intrigué. Il pencha légèrement la tête, un sourire goguenard étirant ses lèvres. « Quand vous dites basané, vous voulez dire maghrébin, c'est ça ?» Il marqua une pause, son ton devenant plus léger, presque moqueur. « Dans le coin, on n'en croise pas beaucoup, alors forcément ça attire l'attention. » Ici, on serait plutôt Bougna, Bois et Charbon, que Bougno et le Charbonneur, surtout quand ils ont une carrure de sumo, ajouta-t-il avec un petit rire, visiblement convaincu d'avoir fait un bon mot. Le jeune gendarme, jusque-là resté silencieux, baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Après un court instant d'hésitation, il osa intervenir d'un ton prudent. « Chef, je crois que ce genre de remarque, c'est pas très approprié. » Cornec leva une main, comme pour balayer l'observation, sans pour autant se départir de son sourire. « Allez, relax !» Carver voit bien que je plaisante. Il vit à Lyon. Il doit bien connaître l'humour franchouillard, non? Pas vrai, monsieur Interpol ?» Carver, consterné par tant de bêtises, resta impassible. Ses traits figés n'exprimaient qu'une froide détermination. « C'est cela, oui. Et les deux hommes, roux avec lui, des locaux, je suppose? Oh, les rouquins ?» Les frères Taburet, des gars du coin, gentils mais pas des flèches. L'été, ils se déguisent en chevaliers pour le spectacle du château de la Herse au-dessus de Belém. Des passionnés, mais pas vraiment le profil et le chapeau, si vous voyez ce que je veux dire. Carruthers rangea sa carte d'un geste calme, tendant ensuite la main. Merci pour l'accueil, adjudant-chef, mais je préfère vérifier tout ça par moi-même. Cornec serra sa main, un sourire toujours présent sur ses lèvres. « Je comprends. Mais vous verrez qu'ici, les apparences peuvent souvent être trompeuses. » Carver quitta la gendarmerie d'un pas rapide, son trench flottant légèrement derrière lui. À ses yeux, tout était limpide. Les frères Taburet n'étaient pas de simples amateurs de chevalerie. Ils étaient le rouage d'un réseau bien plus vaste et le château de la Herse, leur base secrète. En montant dans sa voiture de location, il esquissa un sourire froid. Tout se recoupait, mais une chose était certaine, il ne pourrait compter que sur lui-même. Entre leurs discussions absurdes sur des nains de jardin et leurs réflexions bourrées de préjugés, la gendarmerie locale ne lui serait décidément d'aucune utilité. À l'hôtel Saint-Louis, Betty, la jeune femme qui tenait l'accueil et s'occupait également du ménage, remarqua que l'étranger écossais était parti aux aurores. Intriguée par le personnage depuis son arrivée, elle se dirigea vers la chambre 10 pour faire le ménage avec plus de curiosité qu'à l'accoutumée. La chambre était dans un état impeccable, presque trop. Betty hésita un instant, la main sur la poignée de l'armoire. Elle savait qu'elle n'avait pas à fouiller les affaires des clients, mais ce drôle d'Écossais lui avait donné une impression étrange dès son arrivée. La curiosité finit par l'emporter. En ouvrant l'armoire, elle resta figée. Suspendue avec soin, une panoplie écossaise complète l'attendait. Un costume à tartan impeccable, une perruque rousse flamboyante fixée sur une tête de coiffure en plastique et une moustache assortie posée comme un trophée à côté. Betty fronça les sourcils. « C'est quoi ce délire ? » murmura-t-elle en repoussant doucement la porte, son esprit tourbillonnant de questions. Poussée par une indiscrétion grandissante, elle se mit à inspecter la chambre plus minutieusement. Sous le lit, elle découvrit une valise qu'elle extirpa avec précaution. À l'intérieur, parmi des vêtements pliés et quelques affaires de toilette, elle trouva un dossier jaune. En l'ouvrant, elle tomba sur la photo d'un homme massif, la peau cuivrée, le regard dur. Mouloud m'en sourit, mais elle l'ignorait. À côté de lui, de visage familier, les jumeaux, les frères Taburet. Betty fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce qu'il fait avec une photo de Mathieu et Mathias » pensa-t-elle, une pointe d'angoisse montant dans sa poitrine. Elle continua de fouiller et tomba sur le vrai passeport de l'Écossais, portant le nom de Brandon Carruthers. Mais ce qui la figea sur place fut une carte de cantine siglée Interpol, discrètement rangée dans une poche intérieure. « Interpol, mais c'est quoi ce bordel ?» Sous le choc, mais avec un sang-froid impressionnant, Betty remit tout en place méticuleusement, s'assurant que rien ne semblait avoir été dérangé. Son cœur battait la chamade, mais elle s'efforça de garder son calme. La soubrette jeta un dernier coup d'œil à la chambre, les mains tremblantes, avant de refermer la porte. Dans sa tête, une seule pensée, prévenir Mathieu et son frère avant que ce Carruthers ne les coince pour de bon. À l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, elle sortit son téléphone portable et composa rapidement un numéro. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. « Oui, Betty, ça va ?» demanda Mathieu Taburet, qui se trouvait dans le laboratoire clandestin avec Victor. « Mathieu, écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix basse et tendue. « Il y a un flic ici à Bélème. Il est sur vos traces, à deux doigts de vous coincer. Je viens de trouver un dossier avec ta photo, celle de Mathias et celle d'un type, un géant. Il a un badge d'Interpol. » À l'autre bout du fil, Mathieu marqua une pause, visiblement pris de court. Il se tourna vers Victor, qui l'écoutait attentivement. « Un flic ? T'es sûr ? À l'hôtel ?»« Oui, un certain Brandon Carruthers. Il se fait passer pour un Écossais, mais je suis tombé sur ses vrais papiers. Vous devez faire quelque chose et vite. » Avron, le regard durci, fit un signe à Mathieu pour qu'il lui passe le téléphone. « Betty, c'est Victor. Merci pour l'info. T'inquiète, on va gérer. » Il raccrocha d'un geste sec, puis se tourna vers Mathieu, une lueur glaciale dans les yeux. « Préviens les autres, on a un problème à régler. » Se redressant lentement, il balaya la pièce d'un regard acéré. Le laboratoire, immaculé et équipé d'appareils dernier cri, brillait sous la lumière froide des néons. Victor s'arrêta devant une station de synthèse, où un brûleur haute performance, encore tiède, côtoyait des béchères alignées avec précision. Il effleura un récipient en verre, contenant un liquide translucide aux reflets troubles, puis scruta chaque détail avec minutie. Son regard perçant se posa sur Mathieu, qui, visiblement inquiet, attendait ses ordres, près d'un congélateur inox ultra moderne. « Prépare le matériel. Branle-bas de combat, Mathieu. Ce Carruthers ne sait pas encore où il a mis les pieds. Et crois-moi, il va amèrement regretter de s'être mêlé de nos affaires. »